revient sur Sonobus. Moi, je te propose qu'on revienne sur Jam Taba. Et on pourra reparler à une autre fois. Tu me dis quoi, tu vas sur Sonobus et je te rejoindrai. Avec... Et merci à toi. À tout de suite. Ciao, ciao. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.